LOVE. J'assiste à l'éveil de la nature, je dépose mes chaussures sur la verdure, je tombe sur une amie, au nom parsemé d'un accent circonflexe, c'est celle qui me fait oublier mes complexes, avec elle je trouve plus la vie si complexe. Elle n'a pas d'alliance, c'est bon signe, je lui dis bonjour, je lui fais un signe, les chances qu'elle accepte sont infimes, mais j'y crois, je l'imagine dans un film. Je reçois une décharge de courage qui m'encourage à passer à l'abordage. Quand ça éclate comme un ouvrage, quand tu te sens éloigné du rivage, lorsque ta vie est couverte de nuages, pense à moi, ton parapage, sans toi je risque de faire un carnage. Les aléas du love, love is moody. Cette fille, c'est mon idéal, je guette ma proie, tel un chacal, je pars au galop, tel un cheval. La sueur au front, je contrôle mes pulsions, je maîtrise mes pulsations, et je passe à l'action, pas besoin d'équation. Je me lance, je tente ma chance, bien que surendetté, je me sens sûr de moi dans mon survêt. Je vois les choses en grand, comme Gustave Eiffel. D'un air déterminé, je lui articule en pleine figure. Quand ça éclate comme un ouvrage, quand tu te sens éloigné du rivage, lorsque ta vie est couverte de nuages, pense à moi, ton parapage, sans toi je risque de faire un carnage. Je la mets dans l'embarras, sur ce coup-là, elle est restée sans voix. Finalement, elle refuse mes avances, dans mon élan, ça me casse et ça m'agace. Ainsi soit-il, mais que se passe-t-il? Elle m'évite, ma tête se vide. Elle met les trémas sur les i, je me sens déprimé et pris de mépris. Elle me refoule, telle une vulgaire poussière interstellaire. Mes sentiments traversent des averses en pleine air glaciaire. Mon cœur est en excès de vitesse, mon cerveau est en état d'ivresse. Princesse, mais pourquoi tu me délaisses? Laisse-moi au moins ton adresse. Quand ça éclate comme un ouvrage, quand tu te sens éloigné du rivage, lorsque ta vie est couverte de nuages, pense à moi, tourne par la page, sans toi je risque de faire un carnage. Les aléas du love, love is moody. De ma personnalité, elle veut se débarrasser. Je me sens embarrassé, tracassé et même désemparé, désespéré comme les femmes au foyer de la télé. Je me sens frustré comme un artiste sans inspiration. Finalement, je fais abstraction. J'impose le silence à mes pensées négatives. De coups durs, je me gargarise, mais je cicatrise. Mon esprit encaisse, mais comme on dit, on s'endurcit quand on se blesse. Je colmate cette fuite de morale et lui reparle. On marche un peu tous les deux et on tombe sur son copain. Je vois hautain qu'il est hautain, j'ai pas envie de lui serrer la main. C'est mon ennemi privé numéro 1. Je me sauve de leur conversation. Sur le chemin, je me fais une raison. C'est les aléas du love. Quand ça éclate comme un ouvrage, quand tu te sens éloigné du rivage, lorsque ta vie est couverte de nuages, pense à moi, tente la page, sans toi je risque de faire un carnage. Les aléas du love, love is moody. Quand ça éclate comme un ouvrage, quand tu te sens éloigné du rivage, lorsque ta vie est couverte de nuages, pense à moi, tente la page, sans toi je risque de faire un carnage. Les aléas du love, love is moody. Quand ça éclate comme un ouvrage, quand tu te sens éloigné du rivage, lorsque ta vie est couverte de nuages, pense à moi, tombe par la page, sans toi je risque de faire un carnage, les aléas du love, love is moody.